Continue. Tes yeux brillent, le monde te attend. Trop tard pour partir, on reste ici. Ton rire sur ma langue, le reste n'existe plus. Đem lại lạc nhau rồi tìm lại.